Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, Le Grand Paris, une série documentaire de Nicolas Jox, réalisée par Manouchak Fachaï. Au départ de cette série, il y a une ville qui grandit depuis des siècles et ce concept tout neuf de Grand Paris brandit comme un programme. Un rêve de mégapole, d'expansion urbaine, mais peut-être aussi d'utopie cauchemardesque. Mais surtout, il y a l'envie de savoir ce qui se cache derrière les mots. Des gares, des entreprises, des chantiers, mais surtout des visions politiques qu'il faut explorer et les besoins des habitants qu'il faudrait entendre. Et il y a cette histoire d'une cité, née sur une île au milieu de la Seine, une ville gauloise conquise par les Romains et traversée par l'histoire. Des Vikings à la Commune, en passant par la prise de la Bastille et les cortèges royaux. Une ville et son métro, ses bus, ses RER, sa proche et lointaine banlieue, les inégalités, la relégation et nos vies ordinaires qui la traversent. Alors pour commencer, les personnages. Des travailleurs sociaux, des maires attentives et fatiguées, des maires au chevet de leur commune, des randonneurs, des sociologues, des aulnésiens, des sarcellois, des gargeois, des balnéolais, des grognards, des présidents qui paradent et des responsables qui promettent. Ensuite le décor, des mensonges, des bavures, des flambées de colère, de l'ennui, des déserts, des bars délabrés, l'après-guerre, des copropriétés en déshérence, la pauvreté qu'on ne veut pas voir et toujours pas de gare de RER. Aujourd'hui, 4e épisode, on arrive après la catastrophe. La Grande Borne, c'est 3700 logements, une moyenne à peu près, j'ai plus les chiffres exacts. C'est des petits bâtiments, vous voyez, de 4 étages maximum, des appartements spacieux. La plupart des gens qui sont venus au départ, la création de la Grande Borne, c'est dans les années 70, c'est des gens qui viennent de Paris, des bidonvilles, des chambres de bonne. Il y a tout un enjeu de repenser les bâtiments, le logement, les logements sociaux. Et puis donc la Grande Borne, elle fait partie, c'est construit sur un grand territoire, un grand espace. Et la population, bah, c'est des gens que moi je trouve très fraternels, c'est normal. Après, il y a des, on faut pas non plus faire croire que Grigny, tout est beau et tout est gentil, c'est pas vrai. Il y a un taux de délinquance important, il y a des taux de pauvreté, de misère importantes. Mais en même temps, il y a aussi des gens d'une extrême chaleur, extrêmement fraternels, généreux, et puis qui ont le sens de la lutte et du combat. Et qui est... Moi, ça fait 20 ans que je suis ici et je n'ai pas l'intention d'y partir. Et pourtant, je pourrais. Mais non, ça ne m'intéresse pas. Pour l'instant, j'ai envie d'être avec les gens ici. Est-ce qu'on peut rentrer dans le centre ? Bien sûr. Ils sont là, mais juste à côté, je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous avez été voir déjà. Le Grand Paris. Là, je vais vous montrer. Quel avenir pour les quartiers populaires ? Voilà, il y a un lieu sympathique. Regardez, les gens viennent ici, les familles, tout le monde vient. Et c'est un lieu d'art, statuettes, les tableaux, les peintures. Amar Rény, c'est vivant quand même. Éducateur à Grigny. Les théoriciens du ghetto qui viennent voir quand ils me disent que Grigny c'est un ghetto qu'on vient me montrer ça dans des ghettos un peu. Regardez ça, c'est pas mal ça quand même. Une des 7 merveilles de cet établissement. Le Grand Paris, avec sa nouvelle gouvernance, son futur métro et ses pôles d'excellence, se présente souvent comme une métropole attractive auprès des investisseurs. Tu veux bien ? Une métropole de l'excellence et de l'innovation dans cette compétition mondiale des très grandes villes. Là aussi, c'est des gens qui exposent, hein, des gens de Grigny. Mais cette vision gomme volontairement une autre réalité, celle des centaines de quartiers populaires un moyen d'émancipation où vit difficilement une population aux prises avec le chômage et la précarité. Ces habitants du Grand Paris cherchent à peser sur les politiques métropolitaines qui se mettent en place. Mais sont-ils réellement entendus par les pouvoirs publics ? Se poser la question depuis Grigny et ses grands ensembles à 25 km au sud de Paris, c'est s'interroger sur les liens unissant la capitale à ses périphéries, à ses quartiers dits prioritaires ou sensibles, qui depuis la désindustrialisation et la montée du chômage de masse sont touchés par des phénomènes de ségrégation et de violence. C'est pourtant ici que vit la jeunesse de la métropole. Nous débutons notre exploration aux côtés de militants associatifs issus de ces quartiers. Ah, tu dis bonjour de ma part. Nous, Grigny, on peut le décrire comme étant une ville-pays. C'est la ville la plus jeune de l'île de France, il me semble, mais aussi la ville la plus pauvre de France. Comment tu vois ? Aboubacar Sissoko, éducateur. Vas-y, on y va. Le quartier de l'enfance ici, comment c'était ? Bah moi, l'un des seuls mots pour décrire tout ça, c'est l'amour. Beaucoup d'amour. Quand on était plus jeune, nous, à une époque où il n'y avait pas les réseaux sociaux, on jouait dans les espaces verts, on faisait du foot, on inventait des jeux, ci et ça. Et Donc le concept cité des enfants était vraiment là. Et aujourd'hui aussi encore, il y a une époque où il y avait plus de mixité sociale, c'est-à-dire concrètement plus de Français, de Français blancs. Dans les années 90, on s'est tous retrouvés entre les minorités ici, c'est-à-dire africains, noirs, maghrébins, laotiens, turcs, indiens. On s'est tous retrouvés entre nous et on s'est pas posé la question, mais on s'est dit « Ah, là, on est qu'entre nous ». Et c'était l'époque du collège, en fait, les années 90. Toi, par exemple, enfant, Paris, c'était quoi pour toi? C'était lointain? C'était un territoire inconnu? On sait que c'était pas chez nous, quoi. C'était, ouais... On se rendait compte que quand on était à Paris, même aujourd'hui j'y vais, on se rend compte qu'il y a des fourmis partout, il y a des commerces qui sont ouverts jusqu'à pas d'heure. Ouais, pour nous, c'était autre chose. Et comme j'ai dit, nous, on a une mentalité assez spéciale à Grigny, même dans les quartiers. C'est que. Enfin, pour nous, nos quartiers ou notre ville, c'est comme si c'était notre pays, en fait. Et tu te sentais en sécurité quand tu étais chez toi, à Grigny. Ailleurs, je dis pas que tu te sentais pas en sécurité, mais tu savais que tu n'étais pas chez toi. La Grande Borne à Grigny. Vous connaissez ? Cela mérite vraiment d'être visité. C'est un grand ensemble de 3000 HLM dans lequel vivent depuis un peu plus d'un an 15 000 personnes. Grigny, première, top ! C'est donc un labyrinthe apparemment fermé dont l'intérieur seul compte. Ce sont les replis intérieurs de la ville qui sont la partie habitée. Ceci paraît être comme l'épiderme ou l'écaille d'un animal. Cherchez mes rêves, tous mes rêves d'enfant. Je viens chercher mes rêves, tous mes rêves, mes rêves d'enfant. L'histoire de Grigny est à l'histoire de la région Île-de-France où... L'histoire de l'aménagement du territoire français. Philippe Rio, maire de Grigny. L'État décide, à la fin des années 60, de créer, de manière autoritaire, deux grands ensembles. En 6 ans, la ville de Grigny est passée de 3500 habitants à 26 000. C'est-à-dire avec une dynamique très peu connue en France, même dans les villes nouvelles, alors que nous n'avions pas le statut de ville nouvelle. Et donc nous nous sommes retrouvés avec un quartier d'habitat social, et une copropriété géante, contre la décision des élus, parce que c'était l'État qui construisait la ville. Et en fait, depuis 40 ans, on galère à réparer cet acte d'urbanisme autoritaire, où il n'y avait pas les équipements d'accompagnement. Nous sommes en déficit depuis 40 ans, parce que nous avons dû faire les équipements qui n'accompagnaient pas ces grandes opérations d'urbanisme. Il y a là 90% des habitants de Grigny qui habitent dans ces grands ensembles. L'un, copropriété privée, aujourd'hui en opération d'intérêt national, coprodégradé, revenu fiscal moyen 8 800 euros par an par famille, et la Grande Borne, 11 000 habitants, revenu moyen fiscal par famille 10 400 euros. À la Grande Borne, on dit que les enfants sont rois. C'est vrai surtout pour les petits. Il semble qu'il s'agisse là d'un choix délibéré de l'architecte, M. Émile Haye. Encore quand on dit pour l'enfant, c'est bien. Quand c'est pour les enfants, non, ce n'est pas un Disneyland, c'est pas... C'est pour l'enfant, pour que l'enfant puisse être autre qu'il aurait été s'il avait été ailleurs, qu'il puisse devenir un individu. C'est en ce sens que l'enfant m'importe. Les populations qui sont arrivées principalement liées à l'immigration, mais aussi le déménagement de Paris. Moi, je suis arrivé à la Grande Borne à l'âge de 6 mois parce que mes parents habitaient dans un quartier où il y avait des expropriations. De taudis. C'était, comme toutes les histoires que l'on peut entendre, des belles réalisations, puisqu'il y avait de l'espace et du confort. Et donc, dans les années 90, là aussi, les couches moyennes de la Grande Borne sont parties vers du pavillonnaire et ont été remplacées par ce que nous avons vécu dans les années 90, c'est-à-dire le renforcement du chômage de masse. Et donc, la Grande Borne s'est spécialisée dans l'accueil de populations les plus fragiles. La préfecture, souvent, y envoie toutes les personnes qu'elle a dans ses fichiers d'allo, c'est-à-dire les personnes les plus fragiles. 50% des élèves grinois sortent du système scolaire sans diplôme. C'est unique en France. En matière de santé, il y a énormément d'inégalités. Le taux de vaccination chez les enfants est effroyablement bas. L'obésité, le diabète sont à des niveaux extrêmement importants. Il y a bien évidemment l'exclusion sur le marché de l'emploi, notamment chez les jeunes, pas que, mais 40% dans certains de nos quartiers. Donc Grigny, c'est se concentrer, parce que c'est toute la ville qui est concernée. Il y a parfois des villes avec un quartier en difficulté. Grigny, c'est cela, à 6 lieues de Paris. 6 lieues, ça représente 25 km de Paris. Le récit du Grand Paris et de la métropolisation développe exclusivement des mots pôle d'excellence, territoire innovant, un certain nombre de choses. On ne parle jamais de nos territoires. Jamais, jamais, jamais. Et actuellement, les concours d'architectes, etc., tout ça est hyper bling-bling et on ne se sent pas faire partie de ce projet métropolitain. À quel moment il y a eu, dans la construction du fait métropolitain, un point précis sur les quartiers populaires? En tout cas, moi, je n'ai pas été invité. La construction du Grand Paris nous alerte. Nous sentons bien qu'il y a une idée selon laquelle il faut que ça brille et qu'il y a peut-être un nouveau monde et un ancien monde. Il y a des territoires qui innovent, qui sont dans un langage que l'on entend... Il faut être start-up de quelque chose pour réussir. La vie, c'est pas tout à fait ça. La vie, c'est qu'il y a des gens, il y a des territoires qui ont des histoires et nous ne sommes pas l'ancien monde. On sent qu'il y a, dans le discours politique actuel, une tentation de créer des murs qui séparent des territoires de la République et nous ne voulons pas ça. En gros, en Île-de-France, il y a 272 quartiers prioritaires au titre de la politique de la ville, avec dans ces quartiers... un tiers de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Neubstein, sociologue. Et ces quartiers, donc l'ensemble en Île-de-France, c'est 2,7 millions habitants, ne résument pas la carte de la pauvreté en Île-de-France. La pauvreté en Île-de-France, elle n'est pas simplement dans ces quartiers qui... Pour aller vite, ces quartiers, c'est quoi? Ce sont les grands ensembles. Les grands ensembles d'habitat social, voilà, ça c'est l'image un peu traditionnelle qu'on a de la politique de la ville. Hein, c'est la cité, la grosse cité HLM. Mais la question... sociale en Île-de-France ne se résume évidemment pas à ces seuls quartiers. La pauvreté, elle est aussi diffuse, elle est dans les copropriétés dégradées, parfois à immédiate proximité de ces grands ensembles d'habitat social. Elle peut être dans le tissu urbain ancien, elle peut être pas simplement en lointaine périphérie, elle peut être dans les zones centrales. Hein. Ben, y a une réalité sociale claire, ce sont les quartiers de concentration de la pauvreté. Pour penser l'avenir de la métropole du Grand Paris, il faut aussi saisir les phénomènes de violence qui la traversent et qui affectent la population des quartiers. Avec le chômage de masse, une économie informelle s'est développée. Et avec le trafic de drogue, une culture de la violence s'est installée dans certaines cités. À la Grande Borne, au cœur de Grigny, le centre Nelson Mandela. Dans cette maison des jeunes, une réunion publique va débuter. Aboubacar Sissoko reçoit les habitants, une population en deuil. Bouba, aujourd'hui, est-ce que tu peux me dire un petit peu quel est l'objet de cette réunion entre habitants du quartier? Suite à une sollicitation d'une maman du quartier de l'association Les Branches Vertes, elle nous a demandé de faire une espèce d'un débat avec les mamans, les jeunes et les moins jeunes, pour un peu libérer la parole par rapport à ce qui s'est passé récemment sur Grigny avec le meurtre de deux jeunes Grignois, par un Grignois aussi. Histoire d'apaiser un peu les tensions, ben voilà, ils nous ont demandé qu'on organise avec eux ce débat. Trois jeunes qui étaient en conflit, dont deux frères plus un autre, voilà, sont entrés en conflit pour des bêtises. Le troisième, pour se venger, est venu et a tué les deux avec qui il était en conflit. Il les a tués de sang-froid, en plein jour, à midi et demi. Donc ça a troublé la population grignoise et même les quartiers de France parce qu'on a reçu plein d'appels de gens issus de plein de quartiers qui... Parce qu'en France, en tout cas dans les quartiers parisiens, on n'a pas l'habitude d'entendre ce genre de fait, quoi. Récents qui se sont déroulés à Grigny, je vais donner directement la parole à une maman de Grigny. Je vais essayer d'être le plus respectueux possible donc au niveau de la traduction. Kebe gelo tilenki o sunari sura kondi moroko asudi moroko ga ba ko ga no moroko Donc c'est la mère des deux défunts, et elle dit la chose suivante: parlez à vos enfants, faites en sorte qu'ils partagent la rue comme terrain de jeu et d'expression, mais pas comme un espace où ils s'abattent, où ils s'entretuent sans aucune raison. Donc ce qu'elle veut, ce qu'elle souhaite, c'est qu'aujourd'hui, chacun d'entre vous, chacun des parents ici présents, puisse faire passer le message à l'extérieur en disant: dites à vos enfants, éduquez-les, parlez-leur, essayez le plus possible de les convaincre de ne pas sortir dehors pour s'entretuer les uns les autres, parce qu'il y a des combats communs qu'ils peuvent mener ensemble. Et elle s'excuse pour la parole qu'elle a prise aujourd'hui, elle vous remercie. On a pleuré. Les mamans, vous avez pleuré. Et c'est ce que j'ai dit aux jeunes. Arrête de faire des bêtises, c'est ce que vous faites pleurer vos mamans. Sans maman, on n'est rien. Moi, je suis venu ici en 62. C'est pas aujourd'hui. À l'époque, on s'entend bien. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de morte. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que nous, on a raté, nous les vieux? On a raté quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et vous nous faites pleurer. Arrête de nous faire pleurer. Qu'est-ce qu'il faut faire face à toutes ces situations? On sait que dans le 19e, il y a eu des meurtres en Syrie. On sait ce qui s'est passé à Grigny. Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas créer des espaces entre les plus jeunes et les plus vieux pour qu'ils se parlent, pour que les plus vieux transmettent un petit peu? Qui veut prendre la parole? Le problème, c'est que dans les banlieues, il y a aussi un truc qui échappe surtout à nos chères mamans, les pauvres, parce qu'elles ne s'imaginent pas, mais c'est l'effet de groupe, en fait. Dès qu'on est entre nous, dans les banlieues, il y a un effet de groupe, comme si il n'y a plus rien, on est entre nous. Et là, c'est la culture de la virilité, de l'argent facile. On a la culture du gangstérisme qui se développe, et pas celle de la culture intellectuelle. Et ça, c'est un truc qui manque dans nos quartiers. Pourquoi, moi, je ne vois jamais à Grigny ou à Saint-Hubert ou partout ailleurs des gens lire des livres? Le travail est aussi personnel, il passe par la lecture. On est amené à se poser des questions soi-même. Nos parents, ils ne vont pas nous éduquer jusqu'à 35 ans. Malheureusement, cette violence qu'il peut y avoir dans les quartiers n'est que le reflet de la violence que beaucoup des gens des quartiers reçoivent. C'est-à-dire la société, elle est super violente. Tu es sujet au chômage, tu es sujet à une espèce de discrimination, tu es sujet à ce rapport de riche et pauvre, et que si tu n'as pas d'argent, tu... Enfin, c'est pas du tout ma conception de la vie, hein, mais ce qu'ils sont en train d'inculquer dans la tête des plus jeunes, c'est si tu n'as pas d'argent, tu n'es rien. Et... Le capitalisme a pris une place grandissante, l'individualisme a pris une place grandissante. Donc là, on est dans cette période-là, dans cette époque-là qui est dure. Elle est dure. Les gens font tout pour s'en sortir, peu importe le milieu. Et heureusement que dans les quartiers, il y a les plus gros tissus associatifs et qui permettent à un moment donné de générer de la positivité. On s'est dit, on va arrêter d'attendre que l'État fasse quelque chose, que les autres fassent quelque chose. Nous, on peut faire des choses. On a les moyens. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les collèges, les classes de 5e, de 4e, de 3e, là où c'est décisif pour eux, parce qu'ils devront choisir entre le professionnel ou le général, le bac pro, etc. Et on s'est dit, on va aller leur parler, tout simplement, juste pour aller planter des petites graines, en fait, dans leur cerveau. Je pense que l'État, certes, a un rôle à jouer. C'est-à-dire que nous, on a un rôle à jouer en tant que citoyens, parce que l'entraide, la bienveillance, la solidarité, ce sont des valeurs qui font partie de nous et qui font partie aussi des quartiers, qu'on ne doit pas oublier. Mais l'État aussi a un rôle à jouer, parce que c'est l'État qui a voulu que regrouper des personnes dans des endroits comme ça, à l'écart des grandes villes, et c'est ce qui a créé, en fait, cette misère sociale. Le moins qu'on puisse dire de ces grands ensembles, c'est qu'il manque d'âme. On a construit, on a paré au plus pressé. Et le problème des loisirs de ces jeunes a été un peu, non pas la dernière roue du carrosse, mais on n'a pas tellement eu le temps jusqu'à présent d'y penser. Mais tout de même, c'est plus clair, les appartements sont beaucoup plus vastes, alors qu'est-ce qui manque? Il manque d'abord, d'une part, des maisons des jeunes, de la culture. On est passé de 6 millions à 12 millions d'habitants en 50 ans. Frédéric Gély, économiste. Ces 6 millions supplémentaires, pour l'essentiel, c'est des gens qui viennent d'ailleurs. Pour certains, ils viennent de l'Aveyron, pour d'autres, ils viennent de Bretagne, d'autres viennent du Maghreb, d'autres encore viennent d'Asie du Sud-Est, d'Afrique noire, d'Amérique du Sud, d'Europe de l'Est. Ça crée un type de rapport à l'espace et un type de rapport entre les gens très particulier. sur le mode t'es venu là, écoute, sois déjà content qu'on t'accepte, donc les conditions de vie et tout, tu vas pas t'en plaindre. C'est un modèle implicite de rapport politique qui a en partie dominé jusqu'au début des années 2000. La crise des banlieues est un des symptômes, hein. C'est que aujourd'hui, on a tous les enfants de toutes ces générations-là qui sont là et qui disent « Non mais attendez, enfin, vous nous avez promis l'égalité républicaine, j'ai grandi dans une école sur laquelle il y a marqué liberté, égalité, fraternité, et ce que je constate, c'est pas à la hauteur de ça. Moi, je demande que mes enfants ils aient l'égalité de chance, d'avoir le droit de vivre dans un endroit correct. » Et cette revendication politique, bah, elle fait qu'on peut plus leur dire à tous les habitants « Écoutez, soyez sympas, vous avez déjà de l'eau. » Alors, elle est pas chaude, d'accord, les ascenseurs sont en panne, d'accord, mais écoutez, vous avez un toit et de l'eau, donc soyez contents. Ça génère une pression et une exigence extrêmement forte sur les élus locaux, sur les aménageurs. Ça demande à gérer la question de manière beaucoup plus complexe que simplement un problème urbain. Au nord de Paris, la commune de Sarcelles, ses tours et ses barres d'habitat social sont connus comme les premiers grands ensembles de la région parisienne d'après-guerre. Au cours de leur exploration du Grand Paris, les marcheurs du voyage métropolitain décryptent ces paysages urbains. Les débuts de cette politique de grands ensembles qui vont profondément marquer l'urbanisme de la métropole. Et nous, aujourd'hui, on va donc marcher à partir de Sarcelles. Donc, on a en fait ici le vieux Sarcelles. James Denissen, membre du voyage métropolitain. Les Lochères, donc tout le grand ensemble qui est derrière. On va le traverser, puis on va monter jusqu'à Villiers-le-Bel qui est ici. Pour comprendre l'émergence de ce grand ensemble, le grand ensemble de Sarcelles dans lequel on fait un crochet là actuellement, il faut se replonger dans la période de la reconstruction. Vous avez eu effectivement un essor démographique et puis une grosse crise du logement qui a nécessité qu'on puisse bâtir énormément de logements. Donc ici, avant, c'était des terres maraîchères. Vous aviez des vergers, des vignes, des serres aussi. Et le vieux Sarcelles se situe à 5 km par ici, si je suis bien orientée. Non, par là, par là-bas, à 5 km. Dans quelques années, quand vous traverserez la banlieue parisienne, c'est en hélicoptère sans doute que vous irez, et partout vous survolerez des villes dans le genre de celle-ci. On les appelle les grands ensembles, on les appelle aussi les villes dortoirs. Les urbanistes et les sociologues leur consacrent des volumes et des congrès. Sarcelles, à 15 km de Paris, sur la route d'Amiens, un grand ensemble qui prévoit la réalisation finale de 10 000 logements. On est à peu près à la moitié de l'opération. Les arbres, voyez-vous, sont encore tout jeunes. Voilà, donc à la fin des années 50, donc c'est 58, je crois qu'il marque vraiment l'émergence des ZUP, des zones à urbaniser en priorité. C'est donc une politique de planification urbaine des grands ensembles entre 58 et après la fin des années 70. Voilà. Donc Sarcelles, ça a été vraiment la pièce maîtresse des ZUP en France au début des années 60. En 15 ans, se sont bâtis 12 400 logements. Quand ils ont érigé ces quartiers, c'était vraiment la volonté de modernisme qui guidait vraiment ces architectes. Donc le modernisme, pourquoi ? Parce qu'il fallait créer du logement, loger les gens, mais dans des zones en dehors des centres-villes. Donc les centres-villes n'étaient pas prisés du tout, contrairement à aujourd'hui à l'époque. C'était des centres-villes hypertrophiés, pollués, etc. Donc on a bâti en dehors. On a cherché à mixer, faire une mixité sociale à l'époque. Donc il y avait une attribution des logements qui permettait, cage d'escalier par cage d'escalier, à avoir des médecins, des ouvriers. Parce que les critères d'attribution, c'était en fonction du nombre d'enfants, beaucoup, et aussi la distance par rapport au travail. Voilà. Donc tout ça pour dire que c'était une vraie réussite à l'époque. Il y avait un vrai dynamisme économique, un multiculturalisme, un dynamisme politique aussi dans ces quartiers qui a vraiment marqué les lieux. Et on peut faire ça et on arrive directement là. Et ici, ça c'est ce qu'on s'était ici, dit avec Fanny tout à l'heure. Là ouais, ça passe, c'est un chemin d'école. Il y a des écoliers qui passent. Les transports sont indispensables. Au petit matin, Sarcelles se vide. La gare, pour l'instant, voyez-vous, ce n'est qu'une halte. La SNCF, comme les autres grandes administrations qui ont eu à s'occuper de Sarcelles, a été dépassée par la fièvre de croissance de cette ville. Et un jour prochain, ce sera une gare importante qui emmènera des milliers d'habitants de Sarcelles vers Paris tous les matins par la ligne du Nord en 14 minutes. Tu Clichy-sous-Bois a donc vécu de nouvelles heures de violence hier soir au lendemain de la mort de deux adolescents qui tentaient d'échapper à la police. Depuis la fin des années 70, les quartiers sont régulièrement secoués par des émeutes urbaines, témoignant de l'aggravation de la situation. Mais les émeutes de 2005 marquent un tournant par leur ampleur et leur durée. Début novembre, les violences se propagent à d'autres banlieues. Il y a bien un effet de contagion dans plusieurs quartiers de la région parisienne. Ces violences urbaines auront duré exactement 3 semaines. 3 semaines qui auront choqué, secoué la France, qui auront fait trembler le gouvernement. Face à la crise, l'État lance le programme national de rénovation urbaine dans les quartiers prioritaires. La politique de la ville prévoit la destruction de logements vétustes et la reconstruction de nouveaux bâtiments. 46 milliards d'euros seront investis sur 10 ans. Un plan considérable est nécessaire, mais qui ne réussira pas à résoudre tous les problèmes. Sur le plan de la mixité sociale, la rénovation urbaine est un échec. La pauvreté ne recule pas. Le défi reste entier pour la métropole du Grand Paris. La construction du Grand Paris exclut pour l'instant les quartiers populaires de la région Île-de-France. Philippe Rio, maire de Gris. Qui représente quand même 40% des quartiers politiques de la ville en France. Il n'y a pour moi aucun signal. Et nous sommes véritablement l'angle mort de la construction du Grand Paris. Les phénomènes de métropolisation du monde engendrent la création de pôles d'extrême richesse et dans un même espace urbain, la création de pôles d'inégalités territoriales, sociales et humaines, voire même environnementales, de manière énorme. Et on sent bien qu'il y a un phénomène accélérateur d'une compétition internationale qui laisse de côté les oubliettes de cela. Donc oui, il y a besoin d'une péréquation, de moyens correctifs de ces inégalités. Et la gouvernance du Grand Paris, la construction, aujourd'hui n'acte pas concrètement de correction et de péréquation à la hauteur de l'accélération du phénomène. Tous ceux qui sont partis, c'est nous qui avons réussi à les insérer dans la société, puisqu'ils ont pu aller ailleurs, c'est qu'on les a acceptés. Et tous ceux qui sont rentrés, c'est qui? C'est le Dallot, c'est tous ceux qui attendent des logements depuis longtemps parce qu'on n'en veut pas ailleurs. À l'occasion des 40 ans de la politique de la ville, des maires et des associations décident le 16 octobre 2017 d'organiser à Grigny les états généraux de la politique de la ville. Finalement, qu'on est en train de condamner aujourd'hui avec la politique de la ville, c'est la plus belle machine d'insertion de la société française. C'est elle qu'on condamne. Une mobilisation sans précédent pour protester contre la baisse de crédits destinés aux quartiers prioritaires, la suppression massive des emplois aidés et la baisse des APL, les aides personnalisées au logement, qui risque de fragiliser les offices HLM. Ne faut-il pas un statut particulier pour ces acteurs qui, tous les jours, ne sont plus des fonctionnaires mais des missionnaires? On ignore tout le travail qui est réalisé. À la tribune, des maires de banlieue parisienne se succèdent pour interpeller le gouvernement. Ville de La Verrière dans les Yvelines. Allez-y, madame. Oui, bonjour. 2 minutes comme tout le monde. Simplement, moi, je suis maire depuis un an et demi seulement. Et ma ville, c'est une ville de 72% de logements sociaux, dans une agglomération qui est plutôt riche. En un an et demi, moi, j'ai vu dans mon bureau arriver des gens en pleurs, et plus d'un, parce qu'ils n'avaient pas de logement, parce qu'ils n'avaient pas de travail, parce qu'ils ne savaient pas comment s'en sortir. J'ai rarement la solution. Très, très rarement la solution. On est très souvent impuissant, même en étant maire, on n'a pas les solutions. Quand ils viennent, c'est pas des fainéants, c'est pas des menteurs, c'est pas des gens jaloux, c'est des gens qui veulent du travail, qui veulent un logement, qui veulent vivre dignement, tout simplement. Donc à chaque fois qu'on nous retire 1 euro, on nous retire les moyens d'aider ces gens-là. Et je pense que la République de l'égalité, elle passe aussi par la République de la solidarité. Jean-Philippe Assensi, en tant que président de Bleu Blanc Zèbre. Aujourd'hui, c'est un moment extrêmement important. Quand on a décidé, il y a quelques mois, avec quelques maires et Jean-Louis Borloo, d'écrire cette tribune à la suite de la baisse du budget de l'État, on s'est bien rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, qui n'allait plus. Toutes ces grandes fractures que chacun d'entre nous vit au quotidien, l'échec scolaire, l'insertion, la délinquance juvénile, les femmes isolées, on voyait bien qu'on a extrêmement du mal à régler tous ces problèmes. La première adjointe de Bagneux. Alors, est à 2 minutes. Je présente Bagneux, qui est dans un département riche, celui des Hauts-de-Seine. Mais heureusement qu'il y a des villes comme les nôtres, comme Nanterre, comme Bagneux, pour continuer de proposer des logements accessibles à tout le monde, quelle que soit l'épaisseur de son portefeuille. Oui, ces crédits politiques de la ville on en a besoin. Oui, cette politique de l'ANRU pour réhabiliter tout un quartier au pied des futurs métros, on en a besoin. Et moi, j'ai envie de dire aujourd'hui qu'on en a marre de s'excuser, d'avoir à réclamer des moyens, d'avoir à réclamer nos dus. C'est pas de la charité. Pour continuer à faire fonctionner nos services publics avec les jeunes, avec les familles de ces quartiers populaires. Et moi, je crois que quand on trouve plus de 4 milliards d'euros comme cadeaux fiscaux en supprimant l'impôt sur la fortune, moi, je dis, c'est d'autres choix dont nous avons besoin aujourd'hui. C'est notre dû que nous réclamons. Il y a tellement de fond autour de ce concept du Grand Paris que... Je vais être cynique, mais je le perçois que comme du business, en fait. Aboubacar Sissoko, éducateur. C'est-à-dire que, bien sûr, il faut ouvrir les quartiers qu'il y ait des gens, mais qu'est-ce qu'on fait de ces pauvres? Qu'est-ce qu'on fait de ces gens qui vivent de manière modeste? Enfin, on favorise le business plutôt que le social. C'est ça, la réalité de ce monde, en vérité, aujourd'hui. Il y a des restrictions de partout pour les gens les plus pauvres et les plus modestes. Ils ont beau écrire de belles phrases, dire « Oui, le Grand Paris, ça sera ouvert à tous, ça va permettre de ci, de ça. » Ça va juste excentrer des gens. Ça va en favoriser d'autres. Et le vecteur, c'est l'argent. Et nous, on le perçoit comme ça, nous vivons ici. Leur Grand Paris, ça ne nous est pas destiné, ça ne nous est pas réservé. À moins que je me mette à toucher 3500 euros et que je passe du côté de la classe moyenne. Là, le Grand Paris, ouais, je me sentirais peut-être concerné parce que, ouais, bon, il y a moyen d'acheter ci, ça, ou des trucs, tu vois. Ils sont là en train de parler de vivre ensemble, mais nous, on vit déjà ensemble dans les quartiers. Donc leur vivre ensemble, leur grand mot, c'est d'autres qui ne veulent pas vivre ensemble, mais c'est pas totalement de leur faute parce qu'on nous a aliénés culturellement au cloisonnement, c'est-à-dire les riches et les pauvres ne se mélangent pas. On est dans la région parisienne, la métropole occidentale qui a le plus de logements sociaux. Plus de 30% de logements sociaux dans la métropole du Grand Paris, en proche cours. Frédéric Gilly, économiste. C'est un modèle très particulier. Aujourd'hui, c'est un modèle qui est attaqué. Quand la région Île-de-France dit qu'elle ne financera plus de logements sociaux dans les communes qui ont plus de 30% de logements sociaux et qu'on sait qu'ailleurs, c'est très compliqué parce que c'est super cher et il n'y a pas de volonté politique de le faire, ça veut dire qu'on va diminuer le taux de logements sociaux dans la région parisienne. C'est un modèle de ville qui ne fait plus sa place aux classes populaires ou aux classes moyennes. J'entends tout à fait la logique, pas seulement politique, hein, qu'il y a à dire on va arrêter de faire des logements sociaux dans des endroits où il y en a, dans des quartiers dans lesquels il y a plus de 80% de logements sociaux. Oui, d'accord. Après, il faut aussi voir que les gamins qui ont grandi dans les quartiers de logements sociaux, pour la plupart, ils sont pas traders à la défense, quoi. Donc en fait, ils ont pas les moyens aujourd'hui d'accéder au marché privé. Donc si on fait pas des logements sociaux pour eux, ça veut dire qu'ils ont pas de logement. Donc ils restent chez leurs parents ou ils partent beaucoup plus loin que l'endroit où ils ont grandi. Et donc cette logique de construire une ville dans laquelle on est bien, quand on est chassé de sa propre ville, on n'est pas bien. Au sans-abri, aux mal logés, à la non-application des lois et des droits des mal logés et des sans logis. On n'est pas fatigué, la lutte continue. Loyer prochain, locataire est en colère. L'Île-de-France a beau être la région la plus riche de France, c'est aussi celle où il y a le plus aussi d'inégalités entre les plus riches et les plus pauvres. Et c'est celle aussi où le taux de pauvreté a augmenté le plus rapidement. Éric Constantin, Fondation Abbé Pierre. On voit bien que la difficulté aujourd'hui des gens pour se maintenir dans un logement, l'augmentation du coût de la vie, l'augmentation des loyers, moi ça me pose pas de problème si à partir du moment l'augmentation des revenus suit. Or, c'est pas le cas. Donc là, on a un vrai risque sur, effectivement, plus de production ou moins de production de logements HLM dans les années à venir. Mais on a aussi le risque, effectivement, de stigmatisation de plus en plus forte, et ils le sont déjà, des personnes qui peuvent bénéficier des aides au logement. Et c'est clair, vous avez, alors partout, mais sur certains territoires, une volonté d'éviction et ne surtout pas accueillir les ménages de bas revenus qui viendraient d'une autre commune. Paris, engourdi dans le silence. Paris, figé par le froid. Les sans-logis, tous ceux que la misère réduit à dormir dehors. Tous ceux pour lesquels vient de s'élever la voix de l'abbé Pierre. Pour les chiens qui crèvent dehors, il y a une fourrière. Est-ce que pour nos frères et nos sœurs, il n'y aura rien? Alors, il faut que nous fassions quelque chose, tout de suite. Et pas possible que nous dormions tranquilles pendant qu'ils meurent dehors. Au Forum économique du Grand Paris, organisé par le journal La Tribune, la question du logement est en débat. Avec la réduction des aides au logement annoncée par le gouvernement, l'inquiétude grandit, car cette baisse de 5 euros par ménage affecte les finances des offices HLM et menace la pérennité du logement social. Un organisme assez solide sur ses assises, comme celui que je préside, va perdre... Abraham Johnson, président de Val-Office. Annuellement, du fait de cette baisse de l'APL. Et cette baisse de l'APL, il faut véritablement la considérer dans le cadre d'un désengagement progressif de l'État en faveur du logement social. D'abord parce que avant cette baisse d'une aide à la personne, il y avait déjà eu la disparition des aides à la pierre. Et donc, peu à peu, le modèle économique qui soutient la croissance d'organismes comme les nôtres arrive à une réalité tout à fait sèche. Quelle place pour le logement social? C'est la question que vous posez. Est-ce qu'il y aura à terme encore du logement social? Parce que si le logement n'est plus aidé, en réalité, on tombe directement dans les bras du marché. Et cela a plusieurs conséquences. Regardez bien que si nous dégradons, par la façon dont nous ne pourrons pas investir, les prestations que nous rendons aux locataires, aux habitants, aux citoyens, de fait, les pouvoirs publics auxquels nous avons naturellement affaire, en la personne des maires, des présidents de département, vont tout de suite tenir que ce modèle s'effrite. Alors que nous sommes dans un cadre où le foncier est de plus en plus cher et où c'est finalement, pour les collectivités territoriales, le seul moyen de soutenir des budgets dégradés, raison pour laquelle ces collectivités ont tendance à vendre de plus en plus cher ce foncier lui-même, nous sommes tout à fait désarmés devant des élus locaux qui feront à chaque fois le pari de la rente plutôt que le pari du logement social. Mais ne nous trompons pas, il n'y a pas de violence qu'avec des armes. Il y a des situations de violence où il n'y a plus aucune espérance pour la foule des plus petits, aucune espérance d'apprendre à vivre. Et j'avais crié. À l'aube de l'an 2000, pour les jeunes, c'est plus le même deal. Pour celui qui traîne comme pour celui qui file tout droit. De toute façon, y'a plus de boulot. La boucle est bouclée, le système à la tête sous l'eau. Et les jeunes sont saoulés, salis sous le silence. Seule issue, la rue, même quand elle est dansant, c'est pas un souci. Pour ceux qui s'y sont préparés, si ça se peut, certains d'entre eux même s'en sortiront mieux. Mais pour les autres, c'est clair, ce sera pas facile. Faut pas se voiler la facile, il suffit pas de vendre des kills. Faut tenir le terrain. Projet phare de la métropole parisienne, le Grand Paris Express. Ce futur métro automatique va se déployer en rocade tout autour de la ville de Paris. Sur son tracé, 68 nouvelles gares seront construites ces 10 prochaines années. De nouveaux quartiers de gares vont se bâtir. Mais à qui seront-ils réellement destinés ? Ce qui est en train de se jouer aujourd'hui, autour des gares, c'est pas la stricte mise en œuvre de plans de rénovation urbaine produits par les maires, organisés, maîtrisés par des institutions publiques. On est là dans du renouvellement urbain par le marché. On avait quand même dans toute une série de communes où le Grand Paris Express est en train de s'implanter des quartiers qui étaient pour certains des quartiers d'habitat social de fait ou des quartiers moyens mélangés comme disent parfois certains sociologues de l'urbain. Il y a aujourd'hui des opérations qui se déploient et une hausse des prix qui pose la question effectivement de la possibilité pour les couches populaires aujourd'hui de demeurer dans le cœur de métropole. Je travaille à la direction de l'aménagement urbain de la ville. D'accord. En charge Bagneux. Quartier de gare, exactement. Ouais, on l'appelle quartier nord, Pierre Plate, éco-quartier. Ça... Voilà. Et on a une réunion ce soir avec des habitants, justement. Donc, Et quel est l'objet de cette réunion? Alors, c'est de leur présenter, en fait, un des immeubles qui va être construit au-dessus de la gare du Grand Paris. Non, oui, oui, là, on a la maquette derrière, mais du coup, on l'a enlevée à l'échelle du quartier. Je vais vous montrer ici, si vous voulez. Qui va pouvoir habiter demain proche des gares du Grand Paris? Si c'est pas maintenant qu'on se pose la question, dans 10 ans ou même seulement dans 5 ans, ce sera trop tard. Yasmine Boudjena, maire adjointe de Bagneux. Puisque à Bagneux, on va accueillir quasiment en même temps deux stations de métro, le prolongement de la ligne 4 depuis Porte d'Orléans, Mairie de Montrouge, en interconnexion avec une gare du Grand Paris Express, la ligne 15. Donc à 2-3 ans d'intervalle, ces deux stations vont arriver. D'ailleurs, on sait bien quand on regarde toutes les villes où un moyen de transport lourd comme ça est arrivé, les prix peuvent très très vite flamber. Et donc, nous, on ne souhaite absolument pas ça, parce que je pense que la métropole aujourd'hui, elle a déjà une réalité très inégalitaire. Donc, on a besoin que, proche des gares, toutes les catégories de population puissent habiter et qu'on ne relègue pas une partie de gens sous prétexte qu'ils n'auraient pas les moyens d'habiter là. Si on laisse le marché seul gérer la situation, bien les prix vont s'envoler. Donc nous, à Bagneux, on a décidé mettre en place le plus possible de dispositifs pour enrayer ce risque. D'abord, on a pris l'initiative très en amont de l'arrivée des métros de créer une zone d'aménagement concertée, donc un projet urbain avec une maîtrise publique. Combien de logements sociaux on veut sortir, combien de logements en accession à la propriété, quel type de prix on exige, dans un dialogue avec les promoteurs qui font ces opérations. Et puis on a créé un autre dispositif qui est un peu original dans le sens où il n'existe pas ni dans le code de l'urbanisme, ni dans... il n'est pas légal, qu'on a appelé une charte de la promotion et de la construction. C'est-à-dire, il ne serait pas opposable devant un tribunal, on n'a pas d'obligation, il n'a pas de valeur obligatoire pour le promoteur, mais c'est un outil de dialogue et de cadre quand même assez clairement exposé. Donc les promoteurs qui veulent venir travailler sur la commune, ils comprennent bien qu'il vaut mieux qu'ils le prennent en compte plutôt qu'ils le contournent. Un cadre qui parle à la fois des prix, mais aussi de la qualité architecturale, urbaine du projet. Et donc sur les prix, on a clairement fixé un plafond. Il y a une partie qui soit construite en accession sociale, c'est-à-dire avec des prix très très en dessous du marché. Ça permet vraiment de pouvoir se lancer dans un projet d'accession à la propriété. Oui, j'ai envie de dire que l'influence qu'on a, elle est politique au bon sens du terme. C'est-à-dire que notre charte, c'est un peu une sorte de panneau mis à l'entrée de la ville. Ben voilà, ici, ce que les habitants de la commune y souhaitent. Quelle que soit l'épaisseur de son portefeuille, on a le droit d'habiter proche de Paris, proche des transports. Alors, écoutez, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation pour cette petite réunion. Donc, je vous remercie. D'être là des chartes pour tenter de contrer l'appétit des promoteurs. Cette initiative arrivera-t-elle à se généraliser dans une métropole parisienne où la crise du logement frappe les foyers les plus modestes ? Face à la mobilisation des élus et des habitants des quartiers populaires, Emmanuel Macron réagit en se rendant à Clichy-sous-Bois. Le lendemain, le président s'exprime sur sa conception de la politique de la ville. Depuis plusieurs décennies, nous avons des fractures au sein de notre territoire qui sont liées à la transformation économique sociale que nous vivons, qui est liée à cette mondialisation galopante et à la métropolisation. La métropolisation, c'est une chance, c'est une transformation qu'on voit partout dans le monde, mais c'est aussi un défi parce que ces centres productifs et de réussite ont dans leur sein des quartiers en profonde difficulté. La mobilité économique et sociale qui allait avec la promesse républicaine est de moins en moins vraie. Aujourd'hui, on est plus déterminé par le quartier où on est né, qu'il y a 30 ans pour accéder à une grande école ou un poste à responsabilité dans l'entreprise. Les habitants des quartiers, ils ne veulent pas d'argent public. Ils veulent le plein accès à la République. Mais je veux qu'à chaque instant, il y ait la légitime considération que nous devons à celles et ceux qui vivent dans les quartiers. Le discours de Macron, c'est un discours qui est profondément méritocratique, mais qui place la question du mérite et la question de sa réalisation dans la sphère privée, dans la sphère de l'entreprise. René Epstein, sociologue. Tout se résume dans son discours à cette idée qu'il y a dans ces quartiers des talents, des compétences, comme ailleurs, et que l'enjeu, c'est que ces talents, ces compétences soient reconnus et se réalisent. Il tourne le dos, ce faisant, à quasiment maintenant 10 ans de discours très stigmatisants tenus au sommet de l'État sur ces quartiers. Sarkozy et son fameux discours de Grenoble jusqu'à Manuel Valls, on stigmatisait les quartiers et leurs habitants. Là, Macron tient un discours irréprochable. Je pense là correspondait à une attente sociale dans les quartiers populaires, même si les attentes à l'égard du discours politique sont quand même très très limitées. Il ne stigmatise pas collectivement. Tout se résume à une question individuelle. Il est très cohérent dans une logique qui est une logique d'égalité des chances. Une vision néolibérale d'égalité des chances. On peut accepter des situations très inégales, on peut accepter une aggravation des inégalités s'il n'est pas écrit à l'avance qui, à la naissance, aura accès à quelle position sociale. Quant aux autres dimensions qui peuvent expliquer le fait qu'il y ait une concentration de difficultés dans ces quartiers, aux mécanismes structurels, la ségrégation scolaire, de la discrimination ethno-raciale, de la domination, alors là, ça c'est à des années-lumière de son référentiel. Je pense que ce gouvernement n'a rien à faire des quartiers, contrairement à ce qu'on raconte. Il en a rien à faire. Amar Reni, éducateur à Grigny. Alors il y a plein de journalistes qui sont venus, mais t'as vu, des journalistes allemands hier qui disaient, ouais mais Amar, t'as vu, il a fait une annonce, tout ça, tout. Ouais, mais si il dit d'une main, enfin il annonce d'une main puis il enlève de l'autre main, comment on vit? Si on réfléchit pas, si on ne pense pas comment pourrait vivre dignement dans des quartiers des gens, alors on laisse macérer une sorte de poudrière. Parce que ça restera pas éternellement, ça c'est sûr et certain. Ça peut pas rester comme ça de toute façon. Les gens sont fatigués. Et donc aujourd'hui, on trouve des boucs émissaires, on va se battre les uns contre les autres, on va faire des trucs et tout. Mais ça, à un moment donné, ça ne restera pas. Et je pense que ça va imploser. Et je le pense vraiment. Ça ne peut pas rester comme ça. C'est fatigant, on peut pas vivre. Les gens ne peuvent pas vivre dans cette dignité. Et puis moi, je les vois hein, tous les jours, les gens ils viennent ici. Vous savez, c'est dur de voir un papa avec ses deux enfants s'effondrer, pleurer. Et le monsieur de 50 ans, 55 ans qui pleure parce qu'il ne sait pas comment il va manger, comment il va faire, qu'il ne peut pas travailler, que c'est d'une violence énorme, ça. Moi, quand M. Macron dit « Oui, mais vous n'avez qu'à travailler, vous n'avez qu'à vous acheter un costume », les gens ils se demandent comment on va acheter du pain, c'est pas comment on va acheter du misérable. Et je ne suis pas dans le misérabilisme, hein. C'est une réalité. Je pense que ces gens n'ont pas conscience du réel. Ils n'ont aucune conscience de ça. Pour moi, la vraie question, c'est comment on peut vivre dignement. Comment on peut vivre avec le salaire qu'on touche, avec ou le salaire qu'on ne touche pas, on peut vivre dignement. Donc la question de la dignité, elle revient au cœur du problème. Moi, je pense, je vous disais tout à l'heure, la métropole, on éloigne l'habitant de la décision. Mais à un moment donné, si on l'éloigne encore plus, à quel moment il va se bouger? À quel moment il va prendre conscience de l'intérêt de tel budget, telle chose, telle vente, telle décision? Ça aussi, c'est beau, là. Tu vas bien? Je fais visiter tes locaux. Voilà. Bah, d'abord, c'est une grande salle éclairée avec plein de livres et à portée de tous les enfants. Des livres à hauteur d'enfant. Voilà, c'est ce que je vois, avec très décorée, spacieuse, avec des espaces où les enfants peuvent venir réviser leurs devoirs, faire leurs devoirs, être accompagnés. Une salle multimédia, là aussi. Voilà, donc il y a plusieurs espaces. Allez voir. C'est pas ça magnifique? Et voilà, c'est pas mal, ça? C'est pas magnifique? C'est terrible, avec une sorte d'amphithéâtre pour les enfants à hauteur... Un amphithéâtre à hauteur d'enfants. Il y a tout un échange. Voilà, c'est ce que j'appelle, moi, des ouvertures sur le monde. Et donc, c'est féerique. Voilà, c'est féerique. Dès qu'on parle d'éducation, on parle d'éducation à l'intérieur de l'école. Et moi, je pense que c'est largement insuffisant. Et qu'aujourd'hui, il faut aussi parler de l'éducation hors l'école, ce que j'appelle une éducation hors les murs. Et quels sont aujourd'hui les acteurs capables d'aller rencontrer des gamins dans la rue, dehors et tout, parce que la rue, elle prend un enjeu important. Hein, la rue, là, vous voyez dehors, les gens vivent. Et puis, des gamins qui sont hors charge de l'école, hors charge de la famille, hors charge des institutions ou hors charge de l'État-nation tout simplement. Quels sont les gens qui sont allés capables, quels sont les adultes capables d'aller les rencontrer et proposer? Aujourd'hui, la réponse qui est faite, ça a été de dire on va mettre la police. On va mettre plus de police, toujours plus de police, comme si... Et si ça, c'était quelque chose qui pouvait se régler, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de police, hein, c'est pas ce que je dis. Hein. Mais je dis la police a une mission régalienne. Moi, je parle d'une question d'éducation. Qu'est-ce qu'on met en place, qu'est-ce qu'on met en œuvre pour l'éducation, qui permette de travailler à une sorte de conscientisation de ce qui a lieu là. Et tant qu'on ne réfléchit pas à ça, je pense que c'est une erreur. Parce que dans les quartiers, en général, il s'est développé depuis la désindustrialisation, en réalité. On a vu apparaître, dans les années 80, on a vu apparaître les trafics de drogue, qui, à mon avis, pourrissent la vie des quartiers populaires, mais alors d'une façon exécrable. Et on les a laissés se développer. Et là, je pense que l'État a une responsabilité. Plus ça a été dans le temps, et plus on a abandonné ce que j'appelle une éducation à les murs. Il n'y a plus d'éducation à les murs. Donc une éducation à les murs, c'est être capable d'aller rencontrer les jeunes dans les quartiers, dans les halls d'immeubles, là où ils se trouvent, mais aussi d'aller de proposer. Donc on va proposer quoi ? Ben alors, puisque dans bien des quartiers, aujourd'hui, le chômage de masse, il est important, donc qu'est-ce qu'on est capable de proposer en termes de réponse sur le travail ? Et puis, il y a l'idée de la fraternité, il y a l'idée de l'échange, il y a l'État là-dedans. Et puis surtout, ce que moi j'appelle un apprentissage de la vie en collectivité. On peut être différent par le sexe, par l'âge, par le métier, par les confessions religieuses, mais on peut être ensemble. Donc c'est comment on tisse, comment on travaille sur du lien. Ça, c'est possible à Grigny. Donc il y a des gens qui sont capables de faire ça à Grigny. Construire un Grand Paris, c'est construire en fait la justice sociale à l'échelle de la métropole. Ce serait en finir avec ces fractures. Comment tu verrais, toi, ce Grand Paris à construire ça? Il faudrait renverser la table pour régler des vrais problèmes et investir dans le champ social et comment dire... Aboubacar Sissoko, éducateur. Donner des moyens aux gens de terrain qui travaillent pour de vrai, réellement. Cet argent-là qui est investi dans Grand Paris, qui soit investi dans ce champ social avec des vrais travailleurs sociaux qui travaillent derrière toutes les problématiques qu'il y a dans... La positivité dans les quartiers, c'est les gens du tissu associatif et qui se bougent et qui font bouger les choses. Et on a perçu un manque, c'est-à-dire un manque de visibilité de ces associations. Et tout ça, il faut le mettre en lumière. Et c'est des gens qui œuvrent au quotidien, associations d'aide aux devoirs, associations des mamans, associations des papas, associations de prévention de la délinquance. Parce que moi-même, je suis président de l'association Zozon 91. Et NLC, dis-nous les choses. Nous sommes à l'appel de Grigny, les états généraux de la politique de la ville. Bloquant Radio, là notre but c'est de mettre des émissions en place, c'est-à-dire qu'au lieu de subir l'information générale et mainstream, nous on s'est dit qu'à un moment donné, ben, on va créer l'information avec les gens du peuple. On va créer nos débats aussi, parce qu'à un moment donné, il y a des choses qui nous offusquent quand on regarde des débats, et on peut juste s'offusquer derrière l'écran. Ben, nous-mêmes, on va être dans l'écran, et on va créer nos débats, créer nos émissions, et mettre en avant nos actions. Pourquoi pas créer des espaces entre les générations? Il y en a qui vont proposer des actions en direction des quartiers pour être dans le concret, quoi. Des solutions. Quoi. Nous sommes tombés sur le maire de Fontenay-sous-Bois que nous avons déjà vu auparavant. Monsieur, comment allez-vous? Bah écoutez, inquiet et en colère, puisque les annonces du président hier n'ont aucune annonce sur les questions de politique de la ville, et que parallèlement, nos villes où il y a des quartiers très populaires, où il y a besoin de services publics, on nous ampute nos dotations et il n'y a pas de plan spécifique pour renforcer le service public de l'éducation. DNLC, dis-nous les choses. Nous sommes à l'appel de Grigny, vous êtes à Chine. Ce gouvernement, il dit, la priorité pour moi, c'est l'intérêt. C'est comment je vais mettre en place de l'intérêt. Et l'intérêt, non pas dans une dimension collective, mais il pense que le collectif naît de l'individu. C'est-à-dire qu'un individu va être capable de... Il faut qu'il se ressource, qu'il crée de la richesse, ainsi de suite et tout. Et donc, à un moment donné, quand on dit les quartiers, c'est-à-dire qu'à un moment donné... On oublie qu'à l'intérieur, il y a des habitants avec leur histoire, leur incapacité, leur faiblesse, leur handicap, et que ça, ce n'est pas pensé. La métropole, elle ne pense pas ça. Elle pense une gouvernance globale dans une idée de concurrence avec une métropole qui serait concurrente à une autre et tout ça. Et tout. Et qu'importe le prix que ça va coûter. Et les gens qui sont dans des villes comme Grigny ou Clichy ou encore en Seine-Saint-Denis et tout, ce n'est pas intéressant pour une métropole. On en a rien à foutre de ces gens, ils ne comptent pas. Pour un État, ça devient un fardeau même. Ça leur coûte trop cher. S'ils avaient vraiment voulu faire quelque chose, ils n'auraient pas attendu 30 ans. Pourquoi maintenant ils vont faire quelque chose avec leur métropole? C'est sérieux? J'ai aucune confiance en eux. Aucune. Par contre, tant qu'on n'est pas capable de se lever, et pas la mode de 2005, hein, où les gamins, sur une révolte, une colère et tout ça, je veux dire, c'est pas ça. Je veux dire. Il faut une vraie organisation, il faut qu'on soit en capacité de proposer une alternative. Et cette proposition, on ne l'a pas. Parce qu'on n'a pas l'état des lieux. Il faut un état des lieux des choses, et cet état des lieux n'est pas fait. Donc il faut un état des lieux, puis il faut qu'on soit en mesure de proposer quelque chose, et à une échelle humaine. Donc comment on réfléchit ça? Donc voilà, je pense là, et je le dis aussi avec pudeur, je veux dire, il n'y a pas de jour, c'est dommage là, parce qu'on aurait pu y aller même ce soir, il n'y a pas de jour où il n'y a pas, je discute pas avec 30, 40 jeunes là-dedans, je refais le monde avec eux tous les jours, et on s'engueule tous les jours. Tous les jours je m'engueule avec eux parce qu'ils me sortent des âneries venues d'un autre monde, ou peut-être que c'est moi qui dis les âneries d'ailleurs, j'en sais rien. Et peut-être que je suis devenu trop vieux maintenant. C'était Le Grand Paris. Quel avenir pour les quartiers populaires? Old man, look at my life. 24 and there's so much more. Live alone in a paradise that makes me think of two. Love lost, such a cost. Give me things that don't. Merci à Amarini, Philippe Rio, Renaud Epstein, Aboubacar Sissoko, Frédéric Gilly, Jens Denissen, Camille Brunet, Eric Constantin, Abraham Johnson, Yasmine Boujna. Archivina, Annie Lossana. Prise de son, Clémence Bonfils, Fabien Gosset, Gilles Gallinaro, Olivia Branger. Mixage, Manuel Couturier. Un documentaire de Nicolas Jox, réalisé par Manouchak Fachaï. Parisien, banlieusard, urbain ou campagnard, LSD, c'est tout pour cette semaine. Et pour aller à Grigny, bibliographie, liens, mais aussi nos podcasts pour le train de banlieue ou nous réécouter au commissariat, eh bien c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur la page Facebook de France Culture et nous suivre sur Twitter et donner votre avis, LSD, série doc. Et la semaine prochaine, nous irons suivre des artistes au travail. Et pour toujours plus de documentaires, allez faire un tour sur le site de Tank, notre partenaire qui propose par abonnement une sélection éclectique, rare et pointue de documentaires d'auteurs.